l'affaire rassasiée, Glenarvan proposa de discuter sans retard un plan d'évasion. « Je pense tout d'abord, dit-il, que nous devons tenter une évasion avant d'y être poussés par la famine. La nuit prochaine, nous essaierons de gagner les vallées de l'Est en traversant le cercle des indigènes à la faveur des ténèbres. » À 9h, par une nuit très noire, Glenarvan et John Mangles résolurent d'opérer une reconnaissance. Ils descendirent sans bruit, pendant 10 minutes environ. Mais soudain, une double fusillade éclata. John Mangles et Glenarvan remontèrent aussitôt les rois de talus du mont et vinrent promptement rassurer leurs amis, effrayés par les détonations. « À demain, dit Paganel, et puisque nous ne pouvons tromper la vigilance de ces indigènes, vous me permettrez de leur servir un plat de ma façon. » Le lendemain, 17 février, tous, avides de connaître les nouveaux projets de Paganel, se réunirent autour de lui. La superstition des indigènes a fait de cette montagne un lieu d'asile. Il faut que la superstition nous aide à en sortir. Si je parviens à persuader à Kaikoumou que nous avons été victimes de notre profanation, que le courroux céleste nous a frappés, en un mot, que nous sommes morts et d'une mort terrible, croyez-vous qu'il abandonne ce plateau du Monganamu pour retourner à son village? Cela n'est pas douteux, dit Glenarvan. Et de quelle mort horrible nous menacez-vous? Demanda Lady Helena. De la mort des sacrilèges, mes amis, répondit Paganel. Les flammes vengeresses sont sous nos pieds, ouvrons leur passage. Quoi? Vous voulez faire un volcan? S'écria John Mangles. Oui, un volcan factice, un volcan improvisé dont nous dirigerons les fureurs. Il y a là toute une provision de vapeurs et de feux souterrains qui ne demande qu'à sortir. Organisons une éruption artificielle à notre profit. L'idée est bonne, dit le major. Bien imaginé, Paganel. Vous comprenez, reprit le géographe, que nous feindrons d'être dévorés par les flammes du Pluton zélandais et que nous disparaîtrons spirituellement dans le tombeau de Kara Tété. Où nous resterons 3 jours, 4 jours, 5 jours s'il le faut, c'est-à-dire jusqu'au moment où les sauvages, convaincus de notre mort, abandonneront la partie. La montagne est tabouée. Son tabou sera plus rigoureux encore. Et quand tenterons-nous cette dernière chance? Demanda Lady Helena. Ce soir même, répondit Paganel, à l'heure des plus épaisses ténèbres. C'est convenu, répondit Mac Nabbs. Le projet de Paganel était donc adopté.